Au poulailler, c'est l'heure de la ponte. Sous le regard attendri de leur maman, les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal. Écraser mon œuf. Regarde, maman, j'ai réussi. Seule Carmela refuse de faire son œuf. Pondre, toujours pondre. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Carmela préfère écouter Pedro le cormoran lui parler de la mer. Pedro a beaucoup voyagé. Et même s'il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu'il raconte. Mamma mia, alors. À ce moment-là, des tentacules gigantesques s'enroulèrent autour du bateau. Et le kraken engloutit tout l'équipage. Le serpent de mer attrapa le pêcheur et le dévora. Tout à coup, un léviathan énorme sortit de la mer, jaillit des flots et se jeta sur le bateau. Un jour, moi aussi j'irai voir la mer, se dit la petite poule. Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, Carmela se révolte. Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Moi, je veux aller voir la mer. Aller voir la mer, et pourquoi pas voyager pendant que tu y es? Le père de Carmela n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Est-ce que je voyage, moi? Apprends, Carmela, que la mer n'est pas un endroit convenable pour une poulette. Allez, au nid! Cette nuit-là, Carmela ne parvient pas à trouver le sommeil. Soudain, n'y tenant plus, elle se lève. C'est décidé, je pars. Je pars voir la mer. Carmela regarde une dernière fois son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Et quitte le poulailler sans bruit. Courageusement, Carmela s'enfonce dans la nuit. Elle marche longtemps, si longtemps que bientôt, elle ne sent plus ses pauvres petites pattes. Mais au matin, ses efforts sont récompensés. Arrivée au sommet d'une dune, elle aperçoit enfin... La mer! Carmela est éblouie par le spectacle merveilleux qui s'offre à ses yeux. Comme c'est beau! Encore plus beau que ce que m'a raconté Pedro. Impressionnée par les immenses vagues, Carmela hésite à entrer dans l'eau. Elle commence par faire des châteaux de sable. Ramasse des coquillages. Déguste des crevettes. Puis, elle se jette à la mer. Elle boit la tasse. Tousse, crache... Fait la planche, nage, plonge, glisse. Et fait même pipi dans l'eau. Et elle rit. La voilà en train de faire du surf sur une vieille planche qu'elle a trouvée sur la plage. Le jour commence à baisser et Carmela songe à rentrer au poulailler. Mais horreur, la côte a disparu. Impossible de retrouver la terre ferme. Papa! Maman! Hurle la petite poule. Personne ne répond. Écrasée de fatigue, Carmela s'endort, perdue dans l'immensité de l'océan. Soudain, Carmela est tirée de son sommeil par des cris perçants. Poule ! Poule à la mer ! Trois formidables navires viennent de surgir. Trois belles caravelles. C'est le grand Christophe Colomb en personne qui fait route vers le Nouveau Monde. Tout à coup, une vague énorme projette Carmela sur le pont de la Santa Maria. Plumez cette volaille et faites-la cuire, ordonne le capitaine. Carmela refuse d'être mangée. Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb. Ça suffit ! S'emporte Christophe Colomb. À la casserole ! Attendez, capitaine ! S'écrie Carmela. Un œuf ! Je promets de pondre un œuf frais chaque matin pour votre petit déjeuner. Ce sera l'œuf de Christophe Colomb. Elle se mord aussitôt la langue. Pondre un œuf ? Aïe, aïe, aïe ! Jamais je n'ai fait ça. Et maman qui n'est pas là pour me montrer comment on fait. Oh, ça ne doit pas être aussi compliqué. Et elle se met à l'ouvrage. Bon. Facile! J'ai pondu un œuf, j'ai pondu un œuf! À bord de la caravelle, les semaines passent. Un matin, alors qu'elle pond son 31e œuf, la petite poule aperçoit une plage et une immense forêt à l'horizon. Carmela vient de découvrir l'Amérique. Un bon coin où gratter. Voilà des semaines que je rêve d'un bon ver de terre bien frais. À l'ombre des grands arbres, un petit coq rouge l'observe. Ça alors, une poulette toute blanche. Carmela s'avance, un peu intimidée. Bonjour, je m'appelle Carmela. Moi, c'est Petit Coq. Je viens d'un lointain poulailler, là-bas, de l'autre côté de la mer. Ouh là là, tu viens de loin. Est-ce que tu es rouge, petit coq ? Et toi, est-ce que tu es belle, Carmela ? Viens, je vais te présenter à mes parents. Papa, maman, devinez qui vient dîner ? Ce soir, en l'honneur de Carmela, c'est la fête au poulailler. Petit coq, je voudrais te demander, pourquoi les poules de chez vous, elles ont le derrière tout nu? C'est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plumes pour se faire beau. Suis-moi dans ma cachette secrète, Carmela, on sera plus tranquille. Chouette, dis, je peux reprendre un de ces bonbons jaunes? C'est pas des bonbons, c'est du maïs. Petit coq veut tout savoir sur Carmela. Tu as des frères, des sœurs? Comment est ta maison? Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami Pedro le cormoran. Ce qu'elle est drôle, pense Petit Coq. Carmela? Oui, Petit Coq. Si tu es d'accord, demain, je t'emmène visiter mon pays. Et les voilà partis sous la conduite de Petit Coq. Au fil des jours, ils découvrent qu'ils s'amusent des mêmes choses. Ils n'ont jamais été aussi heureux. Petit Coq, t'entends le tambour des Indiens? Non, c'est mon cœur qui bat très fort, car tu es près de moi. Carmela et Petit Coq sont de retour au poulailler des poules rouges. Ils ne se quittent plus. Le temps passe vite. Christophe Colomb a fait hisser les voiles de son navire. Il est temps d'embarquer. Petit Coq aime tellement Carmela qu'il a décidé de partir avec elle. Il fait ses adieux à toute sa famille. Pleurniche sa maman. On élève son bébé et puis un jour, il vous quitte. Après plusieurs semaines, Petit Coq et Carmela arrivent enfin devant le vieux poulailler. Hé ! Regardez qui nous revient ! C'est Carmela ! Carmela est de retour ! Maman ! Mon poussin, laisse-moi te regarder comme tu as grandi ! Tu es devenue une vraie dame ! Hé ! Qui est ce jeune poulet si charmant ? Je m'appelle Petit Coq, monsieur. Bienvenue dans notre poulailler, mon grand. Au printemps suivant, Carmela et Petit Coq assistent très émus à la naissance de leur premier enfant, un mignon petit poussin qu'ils décident d'appeler Carmelito. Quelques mois plus tard. Carmelito, c'est l'heure de rentrer. Déjà ? Encore une petite minute, maman. Je regarde de scintiller le ciel dans la nuit. C'est l'heure d'aller dormir. Dormir, dormir, toujours dormir. Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Moi, je veux aller voir les étoiles. Carmelito est le fils de Carmela. C'est pour ça qu'il est tout rose. Eh bien, il a de qui tenir, je comprends mieux. Vous vous souvenez? Le Carmelito du poulailler dans les étoiles. Quelle famille, ces petites poules. C'était la petite poule qui voulait voir la mer.